Raquis. Cette année, c'est plus normal. Pero este año ya no es normal. Parce que la majorité des cas, ça va être une perturbation au niveau de cette région-là. En CIPUT, c'est un CIPUT. Porque normalmente suele ser una perturbación de esta zona de aquí, o Fibucio, C1, C2. C'est une région qui va compenser l'ensemble des déséquilibres du corps. Es una región que va a compensar el conjunto de los desequilibrios del cuerpo. Donc, imaginez que je sois translaté à droite pour n'importe quelle raison. Imaginaos que estoy trasladada a la derecha, bajo la zona. Peu importe la raison. Ah, no importa la razón, pero estoy trasladada a la derecha. Au départ, quand je pars vers la droite, la tête suit le corps. Al principio, cuando me voy hacia la derecha, la cabeza sigue al cuerpo. Et puis, si je vais au-delà, en théorie, de 2 degrés, pero en teoría, si voy más allá de los 2 grados, la tête va s'incliner du côté contralatéral. La cabeza va a empezar a inclinarse hacia el lado contralatéral. Donc, ça veut dire qu'il y a une hypertonie des muscles du cou, admettons à gauche, si je suis parti à droite. Entonces, esto significa que habrá una hipertonía de los músculos del cuello izquierdo si yo me he ido hacia la derecha. Vous faites bien votre examen postural. Vous vous dites, la personne elle a trop d'appui à droite. Elle est localisée, par exemple. Donc, qu'est-ce que je fais? Je mets un médium interne à gauche. D'accord? Donc, qu'est-ce qui va se passer théoriquement? L'ensemble de la posture va basculer sur la gauche. El conjunto de la postura va a bascular hacia la izquierda. Mais l'hypertonie qui était localisée au niveau des cervicales supérieures. Pero la hipertonía que estaba localizado en, a nivel de las cervicales superiores. Elle est toujours présente. Todavía está presente. Et le cerveau, lui, il veut remettre le regard à peu près horizontal. Y el cerebro pide que la mirada se mantenga horizontal. Donc vous comprenez que ça crée un conflit. Entonces esto crea un pequeño conflicto. Et ce conflit va se manifester par la douleur. Y este conflicto se manifiesta por los dolores. Donc, ça veut dire que si vous, vous aviez bien examiné cette région-là auparavant, esto significa que si antes habéis investigado bien esta zona de aquí, en règle générale, vous auriez pu faire une stimulation réflexe de la poitrine. Vous auriez pu faire une stimulation réflexe de la région. Esto significa que podéis hacer una estimulación refleja de esta zona de aquí. Qui aurait ouvert la porte. Que debería de abrir la puerta. Si vous n'ouvrez pas la porte, si no abres la puerta, ça veut dire que vous enfoncez la porte. Esto significa que vais a empujar la puerta. C'est-à-dire que tu n'ouvres pas la poignée, tu casses la porte. Sí, lo que haces es, en vez de abrirlo con el manillar, pues rompes la puerta directamente. Y entonces, ça se manifeste par des douleurs. Y esto se manifiesta con dolores. Ceux qui ont eu ce type d'événement, en règle générale, la douleur, elle a duré, chez vos patients, elle a duré combien de temps? Los que hayáis tenido este tipo de casos, en vuestros pacientes, ¿cuánto tiempo ha durado este dolor? Se ha quitado, sí. Y ahora, ¿por qué? Un mareo, una buena, un fractulo. Pero vértigo. Y la siguiente fue mareo, náusea y... Vale. Por lo que pero que sea, de Entonces, ¿il a retiré les semelles au bout de combien de temps? ¿Cuándo se quitó las semelles? ¿Cuánto tiempo llevaba? La primera persona llevaría en torno a unos 5 o 10. La primera. Y la segunda, no mucha referencia porque era una persona que venía despedida de muchos sitios, venía muy lastimada con las plantillas. Ya llevaba. El tratamiento mecánico de toda la vida. Y yo le propuse este tipo de tratamiento, fue mejor, pero de repente. Claro, empezó a sentir otra vez esa náusea y esos mareos, todo automáticamente se hace. Pero, ¿con cuántos días? Bah, fue 2 días. Hice y estuve por la noche días, vamos, poco tiempo. La lesión de jour me sentía vacía, ya fui un poco de terapeuta, después de semer y me volví a poner. La que pasó unas plantillas casi ortopédicas en todo su feo esplendor. Gorda, gruesa, arco duro, pasó a lo nuestro. Y eso sí, es verdad que no echó de menos las plantillas anteriores. Entonces dijimos, guau, perfecto, creo que va por cuestión de horas. ¿D'autres expériences? ¿Y en avait d'autres? Otras, un niño que fue una barra interna, una pata interna, y usaba con un dolor en el cuello y se la agudizó. Y lo vi al mes y entonces seguía con el dolor en el cuello, tenía inflamación en los labios. Y le hizo una operación mejor. El petit enfant que la mi de Pantamudan tenía dolor en el cuello y era una inflamación. Yo le preguntaba, ¿ha pasado un proceso gripal con inflamación de los labios? Vale, y la vez de inflamación también de camión, el gato. Se aplica así. La inflamación, la fatiga, la diáfana. ¿Y la de lo tenía antes, después? Sí, sí. Así sí, es, usaba ya con una molestia. Y con la plantilla. Pero la molestia le dolía las cervicales. Sí, como yo no puedo con la plantilla, eso el personal ya lo tenía. Lo que pasa es que con la plantilla, a lo mejor ya era poco, pues a lo mejor haría un bien, que tenía la molestia. El Juan de. Dolor a nivel cervical, ¿puede ser inflamación? Sí, inflamación. ¿Y cómo tú sabes que había una inflamación? ¿Cómo sabes que es este tipo de inflamación? Porque había una zona. ¿Tisú? Un tejido, sí. ¿Estaba caliente? No. Entonces, ¿por qué dices que hay inflamación? Porque me parece, o sea, que había un volumen diferente. ¿De volumen se dijo? El volumen se mete en contacto. El volumen puede ser más largo. No, claro, porque había una zona de sufrimiento cervical. Sí, tenía una zona de sufrimiento cervical. Sí. Y mucho más mejorado. Pero sí que el primer mes lo sacaba la cantidad porque estaba. Ahora ha mejorado. Sí, ahora ya mejorado. Le fermié moi y le dio a meter el sufrimiento. Me mencionaba se vio el dolor. Yo le hice una aceleración y mejoró. La aceleración es. Pour l'instant, sauf ceux qui ont fait l'ensemble de la PNS, ne faites pas d'itération au niveau cervical parce que ça risque de compliquer le tableau. Dice que por ahora, que si no estáis metidos en PNS, que no hagáis iteraciones porque puede complicar un poquito el protocolo. Mais par contre, si vous avez des patients qui ont mal de 3 jours. Como general, si hay un paciente que tiene dolor más de 3 días. Adressez-le à un de vos copains qui fait de la PNS ou de l'ostéopathie. Tenéis que mandarlo a un compañero que haga osteopatía o PNS. En règle générale, c'est une adaptation cervicale, mais ça peut être un petit peu plus complexe. Normalmente suele ser una adaptación cervical, pero puede ser más complicado. Yo tengo un canal que tenía antes de que vino con vértigos, que puse también posturales, mejoró mucho y en la revisión a los 2 meses me hizo una notificación y al día siguiente ella me dijo que se las pudo quitar porque estaba fatal del cuello. La vivió en Asia de Gilles, la de casa, la vivió en Boku, la de Demois, la que me dio notificación para ese mes. El paciente fue a ser antes de que tenía dolor de cabeza, en cuello, de cuello. Pastilla de belleza, los dos primeros días. ¿Qué es la cita de hoy? Al día siguiente. ¿Tenía que ir a es la segunda? Entonces, es claro que hoy. Manquer d'un certain nombre d'analyses spécifiques. es normal que os faltan análisis específicos. On intègre pas le crâne, on intègre pas les viscères, on est en train de voir les cervicales. Todavía no hemos visto el cráneo ni las vísceras, ahora vamos a ver las cervicales. Parce que si vous voulez, les semelles de posture ne vont pas tout traiter, mais vont permettre de moduler le tonus postural. Los plantillas no tienen tratamiento todo, pero sí que modulan el tono postural. Je vous prends un exemple. Por ejemplo. Quand il y a une dysfonction discale. Cuando hay una disfunción discal. Ceux qui font la PNS par la suite comprendront ce que c'est, mais dysfonction, ce n'est pas une hernie discale, hein. C'est vraiment une dysfonction. Los que hacen PNS ya lo comprenden, pero disfunción no es una hernia discal, es una disfunción. Okay. Donc, quand. Souvent, ils vont faire des lavements. Ah, muchas veces la lumbalgia. No, cuando hacemos las semelles de postura, normalmente hacemos plus de la lumbalgia. Normalmente hacemos unas plantillas posturales y el lumbago se va. Mais quand on les retesse, pero cuando les volvemos a testar, on trouve toujours la disfunción discal. Todavía encontramos que existe una disfunción discal. Okay. Donc en fait, la douleur vient de la disfunción discal plus de la perturbación postural. El dolor entonces viene de la disfunción discal, pero de la perturbación postural también. En traitant un des deux, si tratamos solamente una de las dos cosas, on arrive à faire la personne la plus mal. Hacemos, conseguimos que la persona no le duela más. Ce que j'essaye de vous dire, c'est que les semelles de posture, c'est pas toujours un traitement étiologique. Lo que quiere decir con esto es que muchas veces las plantillas no es un tratamiento etiológico. Mais on va moduler le tonus. Pero sí que modulamos el tono. C'est clair que si la personne part en avant, si elle a une rotation interne, bah, ça augmente la réaction de défense au niveau des muscles postérieurs. Entonces, si la persona está adelantada, lo que hacemos es. Sigue para atrás y hacer que la musculatura posterior trabaje menos. Donc, qu'est-ce que vous avez comme outil pour l'instant pour vérifier le côté cervical? ¿Qué tenéis como útil, como instrumento para verificar la zona cervical hasta ahora? Posture dynamique. Et le basalic. Et la rotation de tête. Mais c'est des outils qui sont. Le basalic peut être spécifique. El basalic es muy poquito específico. Le posture dynamique, il est un petit peu spécifique puisqu'on peut dissocier en fonction de la rotation des cervicales inférieures et cervicales supérieures. El estudio dinámico es un poquito más específico porque podemos disociar las cervicales superiores y inferiores. Y, par contre, la rotación de tête n'est pas très spécifique. Y la rotación de la cabeza no es muy específica. Donc, il va falloir que palpatoirement vous soyez capable de dire c'est C1, C2, C3, etc. qui dysfonctionne. Lo que necesitamos que sepáis si palpatoriamente es saber si es el C1, C2. Es que en el caso de los ejemplos que habéis puesto, el último día vi una paciente que tiene fibromialgia, fatiga crónica, que es sensible a muchísimos alimentos, tiene 40 años y tiene invalidez. Entonces ha venido a la consulta y para que le dejara si le podía mejorar la parte de las cervicales que tenía dolor. Y cuando era pequeña tuvo un golpe en el cuello y cayó de un trampolín con la cabeza y tuvo una lesión en el atrás. Entonces le he puesto que era solamente le quedaba una barra anterior de 0,8 y me daba una situación que tenía dolores de cabeza y me dice. Alors, on recommence maintenant. Quand vous posez des questions, essayez de faire des choses. C'est qu'à Dominique l'a vu, et c'est une dame qui suit Romain, qui est ici, elle a eu cassé la trace, elle a rompu la trace. Non, tout le monde. Elle a eu cassé la trace en LGBT, et elle venait parce qu'elle avait le plus de trafla. Y de cesárea se puso. les patients qui font fibromyalgie sont des patients compliqués. Los pacientes que tienen fibromialgia son pacientes muy complicados. Dans les centres antidouleurs, ils ne savent pas bien les gérer. En los centros antidouleurs, los pueden gestionar mejor. Donc, les semelles de posture et les traitements associés, comme la PNS ou autre, peuvent aider. Las plantillas posturales y la PNS o los tratamientos pueden ayudar. Mais c'est des patients qui sont en hyperextabilité centrale. Pero son pacientes que están en una hyperextabilidad central. Et ils ont des difficultés à réagir au moindre changement. Et la difficulté est de faire des petits changements. Donc là, ce que tu expliques, c'est plutôt un côté neurovégétatif. Lo que tu expliques, c'est une réaction neurovégétative. Donc dans ce cadre-là, quelqu'un qui est vraiment très en hyperstabilité, ça serait bien qu'il voit quelqu'un qui maîtrise la PNS. Et une personne qui est en hyperstabilité. Hein, pour diminuer le seuil de réactivité. Il y a des patients qui font problème, ça, c'est ça. Alors, si on revient sur l'anatomie, si volvemos a l'anatomie, il est souvent, il est un petit peu surprenant. La position de la casse, quand on regarde devant ou quand on regarde derrière. Quand c'est bastante surprenante la position de l'atlas, si lo miramos desde atrás ou desde adelante. Bon. Donc l'atlas en postérieur, évidemment, sous le occiput. Et l'atlas posteriormente está bajo el occipucio. Mais si vous devez ajouter l'atlas, vous le voyez sur une vue postérieure. Pero si tenéis que añadir el atlas. On se situe au-dessus des dents maxillaires. Nos situamos debajo de los dientes maxillaires. C'est juste pour faire la différence entre la vision antérieure et la vision postérieure. Es para hacer la diferencia de la visión anterior y de la visión posterior. Et donc vous savez que quand on veut prendre une radio de la place, de l'axis, y cuando queremos hacer una radiografía del atlas y del axis, on demande au patient de la bouche. Vous voyez les dents à faire. Dents mandibulaires et les dents là maxillaires. Et le vamos a pedir al paciente que abra la boca para hacer la radiografía. Et on va demander à la personne en même temps de faire une petite extension. Y de hacer una pequeña extensión. C'est juste pour bien faire la relation entre devant et derrière. Es para hacer bien la relación entre delante y detrás. Donc les repères qu'on peut avoir. À une vertèbre près. La vertèbre que podemos tener hay una vertebra antes. Vous voyez que l'os solide est plus ou moins au niveau de C2, C3. El osioides está más o menos a nivel de C2, C3. Vous avez le cartilage thyroïde. Tenemos el cartílago thyroïdes. Mais il y a des. Ah, ça va être la glande thyroïde là, qui va se situer donc 1, 2, 3, vers 4, 5. Et pour la 4, 5, se situe la thyroïde, plus ou moins. Et puis bon le reste nous intéresse. Et le demain nous intéresse. Si on regarde donc, les rapports articulaires de C1, notamment par rapport à C0 que le C1. Las relaciones entre el C0 y el C1. Donc, vous voyez que là, vous avez au niveau de la partie inférieure de l'occiput. Vemos aquí la parte inferior del occipucio. Donc, les surfaces articulaires. La superficie articular. Qui sont en fait comme les patins d'un rocking chair. Rocking chair, c'est les chaises sur lesquelles on se balance. Los balancines. Les chaises qui sont comme ça. Sí, las mecedoras. Sí, tienen forma de una silla mecedora. Okay. Et donc on a la surface opposée. Tenemos la superficie opuesta. Au niveau cervical. A nivel cervical. Ce qu'il faut retenir, c'est que la classe donc soulève le monde. Lo que hay que retener es que la classe levanta el mundo. Donc mes mains, c'est les surfaces articulaires. Las manos son las superficies articulares. Et j'ai le monde, ma tête, dans les mains. y tengo el mundo, que es mi cabeza, encima de mis manos. Y là, c'est relativement horizontal. Y aquí es relativamente horizontal. Donc, on a la poursuite du foramen magnum, entre occipital. Tenemos el foramen magnum, el gran occipital. Donc, pour venir que la moelle puisse s'engager. Para que la médula se engage. Oui, vous avez des petits trous aussi latéraux au niveau des transverses. Tenemos también pequeños agujeros a nivel de las apófisis transversas. Dans lequel va passer l'artère vertébrale. Por donde va a pasar la arteria vertebral. Alors, vous voyez également que l'épineuse, elle est toute petite. Y veis que la apófisis espinosa es muy pequeñita. Donc, on ne pourra pas la percevoir. No la podremos percibir. Et latéralement, on le fera tout à l'heure, on peut percevoir parfois les transverses. A veces sí que podemos lateralmente percibir las transversas. Et vous voyez qu'elles sont quand même relativement discrètes au niveau du cerveau. Y veremos que son relativamente discretas. Et souvent, vous en percevrez une et pas l'autre. Y muchas veces vais a percibir una sí y la otra no. Ah, parce que ça veut dire éventuellement que la vertèbre elle a un peu translaté ou un peu tourné. Esto significa que puede estar la vértebra un poquito trasladada o rotada. Donc là on va avoir l'autre face qui est en rapport avec C2. La otra carilla que está relacionada con el C1. C2. Et donc vous voyez que C2. Il y a ce qu'on appelle l'axis ou l'odontoïde, donc la dent. Aquí tenemos en C2 el axis o el odontoides. Va passer dans ce cercle-là. Va passer por ese círculo de ahí. Donc là, on le voit à nouveau. Hein? La classe, c'est un espèce d'anneau. Aquí vemos de nuevo, la classe es como un anillo. Donc en fait, on peut presque dire que c'est une espèce de ménisque. Podemos decir que es una especie de menisco. Et dans lequel va passer un axe. Por el cual va a pasar el eje. Alors, au niveau des surfaces articulaires. A nivel de las superficies articulares. Il y a les surfaces articulaires habituelles. Tenemos las superficies articulares habituales. Et vous voyez que au niveau de la partie postérieure. Y veis aquí, a nivel de la parte posterior, vous avez une surface articulaire supplémentaire avec l'odontoïde. Tenemos una carilla articular suplementaria para el odontoide. Et devant, y delante, en fait, il n'y a pas de surface véritablement articulaire, c'est limité par un ligament. Pero por delante no hay una superficie articular, está limitado por un ligamento. Donc le ligament transverse de l'atlas. Qui est le ligamento transverso de l'atlas. Et qui peut se rompre quand il y a des entorses cervicales. Que se puede romper cuando hay esquinas cervicales. Et à ce moment-là, vous comprenez que ça peut être dangereux parce que bah, on a la moelle qui va se situer juste au dos. Y esto puede ser peligroso porque está la médula que se sitúa justo al lado. Donc on la voit. De dessous, mais maintenant on peut détourner. Ahora lo vemos desde dessous. Alors, la vue, c'est une vue du haut. Esa es una vista desde arriba. Et maintenant, on la voit du bas. Y aquí lo vemos desde abajo. Mais ça ne change pas grand chose. Pero no cambia mucho la cosa. Pour la repérer. Para como referencia. Donc, son arc postérieur est inaccessible. Su arco posterior es inaccesible. Parce qu'il y a beaucoup de muscles, de ligaments. Porque hay muchos músculos, ligamentos. Et on a dit précédemment qu'il n'y avait pas d'épineuse. Pas une épineuse qui est vraiment microscopique. Y además no tiene una espinosa apenas, es una espinosa microscópica. On peut palper les transverses. Podemos palpar las transversas. Donc, à ce moment-là, il est intéressant de le faire surtout sur le patient qui est allongé. Es interesante hacerlo sobre todo con el paciente tumbado. Pourquoi? Parce que déjà, la tension musculaire est moindre. porque así disminuimos la tensión a nivel muscular. Le praticien est à l'extrémité de la table, les mains posées en verso. Verso, ça veut dire ça. Le patient est à l'extrémité de la table. On le fera tout à l'heure. Et colocamos les mains latéralement. Donc en. Comme un arc. Sous la nuque. Et bajo la nuque. On va pouvoir mettre l'annulaire sur la mastoïde. Vamos a colocar el anular sobre el mastoides. ¿O vos conocéis todos el mastoide? ¿Conocéis todos el mastoides? Ok. Y el index sobre el mandibular. Y el índice sobre el ángulo mandibular. Le majeur déprime profondément les tissus et décèle une masse osseuse, l'apophyse transverse. On le reprendra tout à l'heure. El mayor es el mismo. Sí, el más grande. Sube, empuja la apófisis espinosa. Il faut faire une palpación douce, car c'est souvent douloureux. On va essayer de faire un petit peu sur nous. Vamos a intentar hacer. Hay que hacer una palpación suave, porque muchas veces puede ser doloroso. Donc, vous allez mettre, on va le faire éventuellement avec l'index. Vais a hacer ahora el índice, cada uno a sí mismo. Et si vous n'y arrivez pas avec l'index, vous le ferez avec l'auriculaire. Et si no llegáis con el índice, vais a hacer con el meñique. Parce qu'il va falloir passer en arrière de la mastoïde. Porque hay que ir por detrás de la mastoides. Et en avant de la branche montante de la mandibule. Y por delante de la rama que sube de la mandíbula. Donc vous voyez que l'espace est faible. Y veis que el espacio es pequeño. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va ouvrir un petit peu la bouche. Vamos a abrir un poquito la boca. Et quand vous allez ouvrir la bouche, vous sentez à ce moment-là que votre doigt, il peut rentrer davantage. Veis así, abriendo la boca, que vuestros dedos pueden entrar un poquito más. Et vous allez chercher dans cette région-là. Y vais a buscar en esta región de aquí. Quelque chose qui peut être dur. Algo que pueda ser duro, qui est souvent douloureux. Que muchas veces es doloroso. Vous essayez d'un côté, puis après vous essayez de l'autre. Vais a intentar de un lado y luego de l'autre. Et souvent, il y a un côté qui est plus douloureux que l'autre. Y muchas veces hay un lado que es más doloroso que l'autre. Donc, okay. Tout le monde a senti un côté qui était sensible. Alors, chez qui c'est plus sensible à droite? En qui est más sensible en la parte derecha? D'accord. Chez qui c'est plus sensible à gauche? Y a la izquierda? Donc, à peu près moitié-moitié. Más o menos mitad-mitad. Donc là, on voit le repérage. Aquí vemos la referencia. Donc, on a évoqué les deux articulations tout à l'heure. On revoit bien la dent d'axis qui passe dans l'anneau. Aquí vemos bien que l'axis passe por el anillo. Et en fait, d'un point de vue palpatoire, la première chose que vous allez percevoir, c'est le processus épineux de C2, donc de l'axis. Lo que vais a palpar, va a ser la apófisis espinosa de la C2. Donc l'axis, on peut en déduire un certain nombre, on peut déduire des choses de la connaissance de C1. Podemos deducir de l'axis cosas por la conocemos el T1. Donc on a une espèce de pivot. Tenemos una especie de pivote. On va avoir donc une surface articulaire qu'on a vue précédemment. Tenemos una superficie articular que esto ya lo hemos visto recientemente. Donc là, la surface articulaire, elle regarde vers l'arrière. En la superficie articular mira para atrás. Plus les surfaces articulaires habituelles. Más las superficies articulares habituales. On la revoit encore. Donc, vue du dessus. Est-ce que vous êtes arrivé? Donc, vue de l'arrière. Est-ce que nous le voyons de l'arrière? Et vue du dessus. Et si nous le voyons de l'arrière? Alors, il y a deux petits, on a vu tout à l'heure, il y a le ligament transverse de la table. hemos visto el ligamento transverso del Atlas. Mais il y a également d'autres petits ligaments qui sont importants, qui sont les ligaments à l'air. Y hay otros pequeños ligamentos que son importantes, que son los ligamentos del esto de cintura. Sí. Donc pour bien maintenir ce pivot, et encore une fois, il n'aille pas dans la zone aiguë. Para mantener bien este pivote y para mantenerlo en el anillo. Alors, la zone cervicale, elle est très en relation avec beaucoup de ligaments. La zona cervical está muy relacionada con muchos ligamentos. Qui vont l'unir non seulement au côté occipital, que quieren unir no solamente a la zona occipital, mais notamment par l'intermédiaire de la dure mère, à ce qu'il y a en intracrânien. Y por el intermediario de la dura madre con lo que está dentro del cráneo. Donc il y a un ligament longitudinal postérieur. Tenemos un ligamento longitudinal posterior. Donc si vous voulez, qui va unir l'occiput jusqu'au coccyx. Lo que va a unir el occipucio hasta el coccyx. Et puis après, il y a des petits ligaments plus analytiques entre l'atlas et l'axis. Y luego hay pequeños ligamentos más analíticos entre el atlas y el axis. Donc on voit tous ces petits ligaments qui sont à l'intérieur. Vemos estos pequeños ligamentos que están en el interior. Donc on a dit ligament à l'air. Hemos dicho ligamento à l'air. Il y a également un ligament cruciforme. El ligamento cruciforme. Donc, on voit bien que sur une radiographie, aquí, una radiografía, la première chose qu'on va pouvoir repérer, la primera cosa que podemos coger como referencia, c'est C2. Es la C2. Donc, vous allez faire sur vous. Lo vais a hacer en vosotros. Vous mettez la tête légèrement en extension. Vais a colocar la cabeza un poquito en extensión. Et vous allez vous mettre sous l'occiput. Vais a colocar debajo del occipucio. Vous allez appuyer assez fort. Vais a apoyar un poquito, ¿eh? Et puis vous allez descendre. Y vais a bajar. Et vous allez sentir un moment un petit dos. Y vais a sentir en un momentito un pequeño dos. Donc ce petit dos, ça va être l'épineuse de C2. Y este pequeño puntito va a ser la espinosa de la C2. Alors, ce sera plus facile quand on va le faire coucher. Esto es mucho más fácil si lo hacemos tumbado. On va pouvoir, donc, là on demande au patient, on fait tourner la tête du patient pour se visualiser. Aquí le pedimos al paciente que gire la cabeza para que lo podamos visualizar. Et vous voyez qu'on est juste en dessous de l'occiput. Pero veis que estamos justo por debajo de l'occiput. Alors, pour analyser C1, para analizar el C1, on va faire ce qu'on appelle le flipper. Vamos a decir lo que se hace el flipper. Esto se traduce como una traslación lateral. ¿Cómo se llama flipper? Vale, no, pues el flipper cuando... como el juego de flipper. Es que no sé cómo está traducido. No, es un pequeño dilema. Vale, podéis poner flipper para acordaros quizá mejor, ¿vale? ¿Es decir que está como un... Mon flipper, c'est une image. Effectivement, c'est une translation. Alors, sur le squelette, c'est relativement facile. Mais sur l'individu, on a vu que c'était relativement caché. Pero en el individuo vemos que está un poquito más. Sur toutes les vertèbres, on pourra faire le flipper. En todas las vertebras podemos hacer el flipper. Alors, ce qu'on définit par le flipper, c'est j'ai entre mes doigts les deux transverses des vertèbres. Tenemos entre mis dedos las dos apófisis transversales de las vértebras. Et si avec mon doigt, mon index droit qui est moteur. Y si con el índice derecho, que es el motor, j'impulse un mouvement vers le côté contralatéral, impulsamos un movimiento hacia el lado contralateral, sur l'autre index qui est sensitif, sobre el otro dedo que es sensitivo, je dois sentir un mouvement. Tenemos que sentir un movimiento. Donc c'est-à-dire que je tiens la vertèbre comme ceci, entonces si cogemos la vértebra de esta manera, par ses transverses, en las transversas, et je dois voir physiologiquement ceci. Y si es fisiológico, tenemos que tener esta parte. Je peux la balancer de gauche à droite. Tenemos que relanzarlo de derecha a izquierda. Mais les mouvements sont évidemment limités. Pero evidentemente los movimientos son limitados. Et c'est assez facile sur l'ensemble des vertèbres. Y esto es bastante fácil notarlo en el conjunto de las vértebras. Et relativement difficile au niveau de C1. Y relativamente difícil a nivel de C1. Alors, si on n'arrive pas à percevoir ce balancement, si no llegamos a percibir este balanceo, première étape, c'est peut-être que la zone est dysfonctionnelle. Lo primero que puede pasar es que la zona sea disfuncional. La deuxième chose, c'est qu'il faut aller, vous vous rappelez, pour palper, il faut aller très lentement. Y luego está la cosa de que hay que ir muy lentamente. Si on fait rapidement, si lo hacemos rápidamente, on va agresser les tissus agressés, ils réagissent en se protégeant. Lo que vamos a hacer si vamos rápido es agredir a los tejidos y los tejidos, si se sienten agredidos, se van a proteger. Okay. Alors, si, après évidemment, on pourra le faire aux étages sous-jacents, luego lo podemos hacer en las etapas subyacentes. Et puis, pour les autres épineuses, à partir de C2, y para las otras espinosas, a partir de la C2, là, on vient se placer sous les épineuses, comme ceci. Aquí nos vamos a colocar bajo las espinosas. Hein, vous voyez du profil, vous voyez les épineuses. Aquí lo vemos de perfil, ves las espinosas. Je croise mes doigts. Cruzamos los dedos. Et j'impulse un mouvement vers l'avant. Y impulsamos un movimiento hacia arriba. Et les vertèbres doivent glisser les unes par rapport aux autres. Y las vértebras deberían de deslizarse unas en relación a las otras. Okay. Si vous en sentez une qui ne glisse pas, si notáis alguna que no qui est immobile, se desliza, elle est en dysfonction. Que es inmóvil, esto significa que está en disfunción. Le mouvement, c'est comment? Là, tes doigts poussent vers l'avant. Tus dedos empujan hacia arriba. Donc, essaye de faire glisser une vertèbre cervicale par rapport à l'autre. Y tenés que intentar que se deslicen las vértebras cervicales unas en relación a las otras. C'est pas tout à fait vrai, mais plus ou moins, si vous voulez, les vertèbres cervicales, on a vu, la classe regarde vers le haut. Esto que voy a decir no es totalmente cierto así, pero la vértebra cervical, el atlas, está en este sentido. Et puis plus vous allez vers des cervicales inférieures, plus elles vont avoir une petite obliquité vers l'avant. Y cuanto más abajo vayáis en las cervicales, más habrá una obliquidad en este sentido. Comme ça. Et donc là, ce qu'on essaye, c'est de faire simplement un mouvement de glissement comme ceci. Entonces lo que vamos a intentar es hacer un movimiento de deslizamiento en este sentido. ¿Vale? Encore une fois, quand on va faire le TP, vous allez faire votre mouvement comme vous avez envie de le faire. Et ahora cuando vamos a la práctica vais a hacer un movimiento como queréis. Puis vous allez recommencer en mettant deux fois moins de force. Vais a hacerlo luego otra vez con dos veces menos fuerza de lo que habéis explicado. Et puis vous allez recommencer en mettant encore deux fois moins de force. Y luego dos veces menos fuerza que antes. Et encore deux fois moins de force. Y luego dos veces menos. Et vous allez voir qu'on perçoit nettement mieux quand on met vraiment très peu de force et qu'on va lentement. Y vais a apreciar cómo notáis mucho mejor si aplicamos menos fuerza y vamos lentamente. Cuando hacemos el movimiento de la C2 hacia arriba, el deslizamiento es solo el C2 o en toda la zona. Que hacemos la construcción de C2, es que on va percevoir l'aiguisement dans le C2 o dans tous les vertèbres. Ça va mobiliser légèrement l'ensemble des cervicales. Lo que va a hacer es movilizar ligeramente el conjunto de las vértebras. Mais de manière plus importante et spécifique, celle où tu as les doigts. Pero de una manera más importante y específica, en la que estás. Et d'ailleurs, ce qu'il faut comprendre, c'est que toi, quand tu vas pousser vers l'avant, es importante entender, tú cuando empujas para arriba, le bas de la colonne et la partie crânienne, la parte baja de la columna y la parte craneal, vont être attirés par la pesanteur vers l'arrière. Van a estar respiradas hacia atrás. Donc, c'est comme s'il y avait une flèche qui emmène par là. Es como si hubiese una flecha que va para abajo. Et toi, tu pousses dans le sens opposé. Y tú estás empujando en el sentido opuesto. On est spécifique de la région où on a les doigts qu'on teste. Entonces, estamos siendo específicos de la región donde estamos testando. Donc, est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça? ¿Hay preguntas? Je vais vous montrer. Vous allez sentir une petite bosse. Vais a sentir un pequeño bultito. Et vous allez faire un mouvement vers l'avant qui est lent. Y vais a hacer un movimiento hacia arriba que sea lento. Ouais. On va essayer chez elle. J'ai donc une main qui repère, donc j'appuie et je repère la petite bosse. Et l'autre doigt va venir m'aider au niveau moteur. Va a haber un dedo que apoye en el puntito y el otro el que va a ir empujando. Là, je repère une petite bosse. Aquí, notamos. Je viens croiser et je fais un mouvement lent vers l'avant, en poussant en fait vers le menton. Y hacemos un movimiento lento hacia el mentón, hacia arriba. Et là, vous voyez, son visage bouge. Aquí veis cómo su cara se está moviendo. Et moi, j'ai la sensation d'une extensibilité et quand je relâche d'une élasticité. Y él tiene la impresión de una extensibilidad y cuando relaja de una elasticidad. Donc je remonte sur la vertèbre sous-jacente. Y entonces nos vamos a la vértebra que está al lado. La vertèbre sous-jacente, simplement au doigt, elle paraît plus désagréable. Solamente cuando colocamos el dedo en la siguiente ya parece más desagradable. Quand on fait de la palpation, on peut ajouter des paramètres qui semblent subjectifs. Podemos añadir cuando estamos palpando parámetros que nos parecen subjetivos. Mais le fait que ce soit désagréable, ça veut dire quoi? El hecho de que sea desagradable, ¿qué significa? C'est comme si elle était un petit peu plus agressive au doigt, si vous voulez. Es como si fuera más agresivo para los dedos. En règle générale, pourquoi? Parce qu'elle est moins mobile. Porque como regla general es porque es menos mobile. Maintenant, je vais le vérifier. vamos a verificarlo. Donc je refais la même chose. Cuando vuelvo a hacer la misma cosa. Et là, quand je pousse avec la même force et la même vitesse que précédemment. Cuando empujo con la misma fuerza, la misma velocidad que antes. Rapidement, au lieu de sentir un mouvement, il va s'exprimer vers l'avant. En el lugar de sentir un movimiento que va hacia adelante, je vais sentir que le mouvement est bloqué, que mes mains ont tendance plutôt à faire un mouvement dans le plan frontal. Nota como que la mano se bloquea y como si quisiera hacer un movimiento en el plano frontal. Et si vous regardez son visage, y si miráis su cara, là, je suis bloqué, vous voyez que le visage ne bouge pas beaucoup. Évidemment, je peux aller au-delà. Podéis observar que la cara apenas se mueve, evidentemente lo podemos seguir haciendo más fuerte. Y vous voyez, là, j'ai tout fait bouger. Pero entonces le hemos movido todo. Hein, c'est la tête que j'ai vu. Lo que ha hecho es levantar la cara. Je redescends l'étage en dessous. Si vamos a una etapa más arriba, abajo. Donc, maintenant, je propulse vers l'avant, regardez bien son visage. Je propulse, je propulse, je propulse, je propulse, je propulse, je propulse, je propulse. Está haciendo una propulsión hacia adelante y veis como... Et là, je pourrais aller plus loin, mais je vais relâcher. Lo podemos ir más lejos, pero lo relaja. Donc on voit qu'il y a un mouvement qui est ample et qui est fluide. Veis que es un movimiento que es amplio y que es fluido. Est-ce que vous le visualisez bien? Lo visualizáis bien. Maintenant, je monte à la vertèbre sous-jacente. Alors, vamos a ir a la vertebra subyacente. Et je fais la même chose. Y hacemos lo mismo. Et là, j'ai un barrage. Y aquí tengo una barrera. Okay. Et si je pousse, ça résiste. Y aquí, si empujo, esto se resiste. L'intérêt, c'est de mettre la force minimale pour obtenir un mouvement. El interés es aplicar una fuerza mínima para obtener un movimiento. Si sur une vertèbre je peux tester le mouvement minimal, y cuando en una vertebra puedo testar el movimiento mínimo, les autres doivent pouvoir être mobilisés par le même mouvement minimal. Los demás, las demás vertebras deberían de poder ser. La fuerza y la velocidad mínima las debería de mover las otras vértebras también. Es que c'est clair pour vous. ¿Esto está claro? Ok. Donc, après, on va dire, dans le même jeu, je vais tester ces deux. En el mismo, vamos a testar la C2. Donc, je pars de l'occiput, je glisse. Il y a une petite dépression. Et après, j'ai une bosse. Y luego tenemos un puntito. Donc là, je teste avec deux doigts. Y aquí podemos testar con dos dedos. Et en fait, mes doigts vont venir de chaque côté de l'épineuse. Y aquí los dos dedos van a venir a cada lado de las espinosas. Pareil, là, je sens ces deux. Je pense d'ailleurs que oui, c'était sûrement ces deux qui étaient déjà dysfonctionnels. Ahí sí, de la C2, vamos a ver que la C2. Donc là, je vois ces deux chez elles. Vous voyez, il y a une possibilité de mouvement. Je vais lentement, ça avance, ça avance, ça avance. En la C2, ve que hay una posibilidad de movimiento. C3. Pero la C3, pas de possibilité de mouvement. Est-ce que intellectuellement, c'est clair pour vous? Intellectualmente, esto está claro para vosotros. Ça vous, alors, en règle générale, on va essayer chez elles. Ce n'est pas toujours le cas. Mais il y a une relation entre l'hypomobilité et le côté algique. Normalement, il peut y avoir une relation entre la hypomobilité et le dolor. Mais vous pouvez demander à votre patient, est-ce que la région elle est sensible? Est-ce qu'elle est mobile? Le podemos preguntar al paciente si la región es sensible o es mobile. Donc plus là. Alors elle, a priori, elle latéralise sa douleur. Elle dit qu'elle est plus à gauche. Ella a priori lateraliza el dolor porque está diciendo que es más a la izquierda. Et moi, ce que j'ai fait, c'est juste un mouvement dans le plan sagittal. Pero lo único que está haciendo es un movimiento en el plano sagittal. Vous voyez que l'intérêt par la suite, ça va être de dire, je fais une stimulation plantaire. El interés de esto es que podemos hacer una estimulación plantar. ¿Es que yo limite la douleur? ¿Es que yo augmente la movilidad? Y podemos testar si estamos limitando el dolor y aumentando el movimiento. Okay, à ce moment-là, bah, déjà votre patient, il sait que vous êtes capable, avec vos stimulations, d'agir sur le processus syndical. Y así el paciente ya sabe que a través de los estímulos plantares podemos hacer algo a nivel de tribu. Ok. Alors, maintenant on va faire le flipper. Ahora vamos a hacer el flipper. Pareil, on va commencer au milieu. Hein? Alors, de chaque côté. Vamos a empezar por la mitad, hacia en cada lado. Je me mets en arrière du sternocleidomastoideo. Vamos a colocarnos detrás del sternocleidomastoideo. Et je vais rechercher quelque chose de dur. Y vamos a buscar algo dur. Okay. Je vais être sur une des transverses. Y ahora estamos encima de una transversa. Voyez, à partir de là, je vais faire un mouvement avec ma main, un mouvement de ce type-là. Vamos a hacer con la mano un movimiento de este tipo. Donc, on pousse vers le côté contralatéral. Y estamos empujando hacia el lado contralatéral. Alors, le mouvement, il est avec les doigts, mais également avec les corps, avec le corps. El movimiento se hace con los dedos, pero también con el cuerpo. C'est-à-dire que si j'exagère, c'est un petit peu comme la passe au rugby. Si exagero, es un poquito como la passe de rugby. C'est-à-dire que ce n'est pas juste l'impulsion du doigt. No es solamente la impulsión de los dedos. Bref, je caricature un petit peu. Va a caricaturizar un poquito. On voit que si je pousse à faire la, avec ma main gauche vers la droite, vous voyez que son menton, son nez bouge. Si empujamos con la mano derecha hacia la izquierda, su mentón no se mueve. Si je fais le côté contralatéral, y si hace el lado contralatéral, ça bouge, mais c'est plus dur. Se mueve, pero está más duro. Je monte à l'étage. Subimos una escalera, una etapa. On voit bien qu'elle veut bien aller vers la droite. Aquí sí, sí que quiere irse hacia la derecha. Y là, elle veut pas aller vers la gauche. Y no quiere irse hacia la izquierda. Oui, non. Donc, il n'y a pas de mouvement, il y a du mouvement. Okay? Là, comme on est sur l'image, on est sur des variables cinématiques, donc ce qu'on voit bouger. Aquí estamos con los variables cinemáticos, vemos lo que se está moviendo. Mais en fait, l'important, c'est pas ce que vous voyez, c'est ce que vous percevez avec vos mains. Pero el interés no es que vosotros veáis, es que vosotros percibáis con las manos. Et puis on va monter jusqu'en haut. Vamos a subir hacia arriba. Là, toujours pareil, on veut aller vers la droite. Aquí sí que quiere irse hacia la derecha. On ne veut pas aller vers la gauche. No quiere irse hacia la izquierda. Je remonte. Subimos. Ah, là, au niveau C2, vous voyez, c'est plus facile. Mira, la C2, c'est normal. Et alors, si on cherche. Au niveau C1, tu vas ouvrir la bouche encore. Si buscamos en el C1, abre la boca. On va avoir des choses qui vont être un petit peu désagréables. Podemos tener algo aquí que no es muy agradable. Chez elle. Je vais passer avec mes auriculaires. Là, j'ai une petite bosse qui n'est pas très sympathique. Tenemos un boquito que no es muy simpático. Et souvent, en fait, sur C1, on fait plus du positionnel. Que du cinétique. Muchas veces en el C1 vamos a mirar el aspecto posicional que el flipper. Mais en fait, ce qui est important, c'est que vous perceviez suite à vos stimulations plantaires une variation. Pero lo que es interesante aquí es que percibáis después de vuestra estimulación plantar una variación. Est-ce que ça c'est clair pour vous? Bon. Está claro. Comme ceci, en sachant que je peux tester en gros de C7, C6 à C2. Entonces, en este sentido, vamos a testar de C7 hasta C2. C2. Parce que C1, je n'arrive pas à la prendre. Et puis, latéralement, là, je peux aller jusqu'à C1, mais en sachant que ça va dépendre des individus et que des fois, c'est plus positionnel que véritablement. Y en este sentido podemos ir hasta la C1, pero muchas veces en este nivel es más bien posicional que cinético lo que vamos a percibir. ¿Qué es que vous avez des questions par rapport à ce qu'on vient de voir? ¿Tenéis preguntas de eso? Non? Ok. Donc, on va vous mettre, vous allez vous mettre ça tout de suite dans les mains, puis après on reviendra à l'anatomie. On va le faire tout de suite sous forme de PDF, et puis après on reviendra à l'anatomie. Vale, vamos a hacer ahora una práctica y luego volvemos con la teoría.